Bonsoir. Nous allons aborder ce soir un sujet qui nous concerne tous et qui reste souvent sans réponse satisfaisante, la sexualité de l'évolution. Sexualité, donc ensemble des phénomènes relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, les premières recherches sur la sexualité ont débuté dans les années 30. Cela créa un scandale à l'époque. Surtout avec le docteur Freud, qui exposa sa théorie sur la sexualité infantile, soutenant ainsi la présence de pulsions sexuelles chez l'enfant. De tout cela, quelques-uns croient qu'il est essentiel de satisfaire ses pulsions sexuelles pour un bon développement de la personne, tandis que d'autres optent plutôt pour le vœu de chasteté ou le tantrisme. On s'y connaît davantage sur le sujet et on vient à se demander quel sera le rôle de la sexualité dans notre évolution. Et aussi, quelle est la différence entre l'homme et la femme au point de vue sexuel, mis à part, bien entendu, les caractères biologiques. Sans plus tarder, et pour en savoir beaucoup plus long sur le sujet, accueillons M. Daniel Kem. Bon, eh bien voilà, tu as dit qu'en m'accueillant, on en saurait plus. On t'écoute. Je commence. Donc. Ah bon? Est-il vrai que notre sexualité est régie uniquement par notre instinct de reproduction? Non. Alors, par quoi d'autre, sinon? Quoi? Bon, est-ce que notre instinct de... J'ai parlé de la sexualité puis t'en parles juste dans ton micro. C'est pas... ça va faire scandale. Bon! Pulsion sexuelle, instinct de reproduction, la sexualité, non. Parce qu'on peut constater aujourd'hui que si c'était l'acte de reproduction qui dirigerait la sexualité, ben évidemment, tout le système anticonceptionnel n'existerait pas. Si on a une grande pharmacie, une grande industrie mondiale qui s'occupe justement d'empêcher la femme de procréer, ou d'empêcher l'homme, mais c'est surtout la femme qui a le travail, de procréer ou de s'abstenir dans la procréation présentement, ben on peut constater que la sexualité sert aujourd'hui à beaucoup d'autres choses. Mais il est important de comprendre que en Polynésie française, lorsque les Blancs sont arrivés là, le peuple polynésien n'avait pas encore fait le rapprochement entre l'acte sexuel et le fait d'avoir des enfants. Alors, par goût psychologique, par attraction sexuelle, biologique, physique ou hormonale, les adultes, hommes et femmes, avaient des relations sexuelles, engendraient des enfants, mais ils ne savaient pas d'où venait l'enfant. Ce qui tend à vouloir amener l'idée que l'être humain, comme l'animal, qui ne fait pas de relations dans la relation sexuelle entre justement cet acte et l'enfantement, est quelque chose, la reproduction est quelque chose qui ne peut pas être laissé dans le seul jugement de l'humain ou de l'animal. Donc, il y a tout un phénomène hormonal qui vient tripoter les neurones des animaux comme des humains, et dans certaines périodes données, l'animal, lui, ce système hormonal entrera en fonction, manipulé par l'énergie vitale, disons l'instinct génétique qui chapeaute sa race, dans certains moments climatologiques, où c'est intelligent, quelques semaines ou quelques mois après, d'avoir des enfants. Donc, des petits, des bébés. Chez l'animal comme chez l'homme, étant donné que l'homme, l'humain, n'est pas capable de décider quand il doit avoir ou quand il ne doit pas avoir d'enfants, il y a une mécanicité hormonale, encore une fois, qui oblige l'humain à avoir une relation sexuelle. Tant qu'il ne peut pas faire la relation entre l'acte sexuel et l'enfantement, ben nécessairement, s'il s'amuse à faire cela, il aura de toute façon des enfants. Croissez et multipliez-vous, mais il fallait aussi expliquer comment il fallait croître et se multiplier. Hein, ça, on ne l'explique pas dans la Bible. On dit croissez et multipliez-vous. L'homme a su, ça fait pas tellement longtemps que l'homme sait que l'acte d'amour se fait quelques 1500, 1600 ans dans la majorité des races, des nations. Un peu avant, chez certains. L'homme sait que l'acte sexuel engendre l'enfant. Et ce qu'il faut comprendre, de prime abord, ça change. D'ailleurs, on parle d'une sexualité de l'évolution, donc ça change. On parle aussi d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, ou du moins transitif, donc ça change. Mais jusqu'à là, pas tellement longtemps, la femme était capable de reconnaître un nouveau-né, de l'apprécier, de le trouver beau. Tandis qu'un mâle, un homme, lorsqu'il regardait un nouveau-né, franchement, il regardait l'infirmière qu'il tenait. Il trouvait ça plus beau. Cela veut dire que si la femme n'était pas bâtie de façon à émettre une affection psychologique, les enfants qui viendraient au monde seraient presque tous immédiatement abandonnés. Parce que laisse un enfant sur une table, fait passer un homme, fait passer une femme, aujourd'hui ça change, l'homme va peut-être le ramasser, mais il ne voudra pas le garder. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont le ramasser, qui vont vouloir le garder. Alors si on recule de là 10, 20, 30 ou même 1000 ans, ben la majorité des hommes seraient passés carrément à côté, puis l'enfant, ça ne le regarde pas. Tandis qu'il y a beaucoup de mères qui seraient passées à côté ou de femmes qui auraient, veut pas, été manipulées à ramasser l'enfant, le bébé. L'homme, lui, si l'homme aime et si l'homme a besoin d'affection comme la femme, et si l'homme n'a pas besoin de la relation sexuelle, l'homme et la femme se contempleront, pourront se complaire de la relation affective, et n'ayant pas de relation sexuelle, on ne pourra pas se reproduire. Par contre, si la femme est sexualisée autant que l'homme, il y aura des relations sexuelles et nécessairement, personne ne peut s'occuper de l'enfant. Donc, lorsque la génétique apparaît, historiquement parlant, ça s'est passé sur une terre qui jadis flottait sur l'océan Pacifique, là où la Bible parle de la création de l'homme et de la femme, en réalité, on pourrait parler de la sexualisation d'un androgyne ou d'un hermaphrodite en Lémurie. Lorsque l'homme et la femme apparaissent, aucun des deux est supérieur, mais évidemment, pendant un laps de temps, la femme va dominer. On sera sous le régime des sorcières et du matriarcat, jusqu'au jour où Rama, pour les hindous, l'avatar de la race indo-européenne, va prouver que l'homme est capable de diriger lui-même les nations. Une maladie immortelle est en train de tuer l'homme. Les sorcières sont exagérées au niveau des sacrifices humains. Et Rama va découvrir qu'en faisant une infusion de ghee, une des fleurs du chêne, en Europe, on peut guérir cette maladie. Lentement, il y aura une transformation et le patriarcat sera instauré. Et depuis ce temps, l'homme dirige. On en arrive évidemment à se poser la question, lequel des deux dirigeait mieux? Aucun. Chacun devait faire son expérience. Et de plus en plus, il y a des femmes qui comprennent qu'elles sont plus solides qu'un homme ou plus solides qu'une femme. Il y a des hommes qui comprennent qu'ils sont aussi solides qu'une femme et aussi solides qu'un homme. C'est-à-dire que de plus en plus, la démarcation socialo-sexuelle tend à disparaître dans certains individus. Pas partout chez les femmes, pas partout chez les hommes. Ça prend encore quelques temps, ça va de soi. Mais il est bien évident que lorsqu'on a besoin d'une personne pour accomplir une tâche, le sexe ne peut pas être un critère de... Donc évidemment, c'est pour ça quelques points. Donc, il faut comprendre. La femme, elle peut être éduquée à devenir sexuelle. Évidemment, il y a des femmes qui sont bâties hormonalement de façon à devenir sexuelle. L'homme peut être éduqué à devenir affectif. Mais ce n'est pas collectivement la normalité présentement. Je l'ai déjà expliqué, j'ai fait un petit retour brièvement là-dessus. L'homme, il est positif, donc donneur physiquement. La femme, elle est réceptive, donc disons négative en termes de polarité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Négatif physiquement. Vitalement, la femme, elle est donneuse, elle est positive. C'est elle qui pourra donc donner la vie à l'enfant et le nourrir, le conserver pendant plus de 9 mois ou autour de 9 mois avant de l'engendrer. L'homme, lui, vitalement, est récepteur. Donc, il aura besoin de l'énergie sexuelle de la femme. Je ne parle pas du sperme ou de ces choses-là. Je parle d'une énergie qui fera vibrer l'homme beaucoup plus que la femme, beaucoup plus souvent. L'homme aura besoin d'aller chercher cette énergie parce que sinon, il vivra des problèmes au niveau de son système neuronique. Voilà. Au niveau psychologique, la femme redevient réceptive. Psychologiquement ou affectivement, l'homme redevient donneur. Donc, l'homme, l'animal comme l'homme, sera musculairement plus bâti, Il aura une odeur particulière. Aujourd'hui, évidemment, l'odeur de parfum est plus appréciée, mais quand même. Et si on regarde les mâles, les animaux, le chevreuil, il a un panache, le rignal, c'est la même chose, le pin a des couleurs. Le mâle, dans la nature, est un peu plus beau que la femelle, parce que l'homme n'a presque pas besoin de la beauté femelle pour agir, tandis que la femelle, elle doit entrer en harmonie avec quelque chose qui sera de l'affection, de la sécurité, de l'esthétique. Mais au niveau mental, la femme, elle est donneuse, l'homme est récepteur. C'est pourquoi la femme ne pourra pas rester longtemps dans un taudis, dans une maison en bordel, dans une maison avec un toit qui fuit ou des choses comme ça. L'homme va s'en contenter. Alors la femme va donc dominer l'homme, la femme va mener l'idée, l'homme va l'appliquer. En échange, évidemment, il y aura la relation sexuelle qui va jouer, il y aura la sécurité affective pour la femme qui va jouer, et ça crée le phénomène de la famille, le phénomène du couple, que l'on a connu depuis déjà belle lurette, et même un peu plus avant. Et aujourd'hui, ça change. OK, maintenant, s'il n'y avait pas de relation sexuelle dans le couple, est-ce que les deux pourraient retirer une énergie de l'autre? Bon, il y a deux réponses. Il y a non et il y a oui. Ça me donne soif, t'es que... Premièrement, il faut comprendre que dans une relation sexuelle, celui qui est le plus gagnant, c'est l'homme, sauf si la femme veut un enfant. Dans une relation affective, la femme est plus gagnante que l'homme, normalement. Alors, si on prend l'être humain ancien, c'est-à-dire celui qui a un stéréotype historique, conventionnel, normal, celui qu'on peut retrouver dans les livres de Freud, justement, eh bien, ce genre d'humain, lui, au niveau d'une relation sexuelle, l'homme va gagner. Sans relation sexuelle, la femme va gagner. La femme, tu lui fais un massage, puis tu l'oublies, elle dort heureuse. L'homme, tu lui fais un massage, puis tu l'oublieras pas, parce que lui, tu ne laisseras pas l'oublier. Bon. Alors, en partant, il y en a un qui, au niveau affectif, va être satisfait et gagné, tandis que l'autre, au niveau sexuel, aura besoin. J'ai déjà entendu parler de femmes qui se faisaient violer pendant leur sommeil par leur mari. Mais j'ai jamais entendu parler d'hommes qui se faisaient violer par leur femme pendant le sommeil. Alors, eux sont plus achalandés par cette question. Ben, la femme, d'ailleurs, je veux dire, la femme, elle traite l'homme de cochon souvent. Ben, bien, l'homme traite la femme de cochonne. Sauf que la femme est bâtie comme ça, elle traverse la rue, puis le gars, gars la cochonne, il y en a plein. Et la femme est même pas au courant, elle, en bas. C'est évident, il y a un problème majeur, là. Au niveau d'une relation harmonique, c'est évident qu'il y a une sexualité nouvelle, une sexualité qui permet à l'enfant de venir, une sexualité qui permet au couple d'aller chercher une énergie d'une façon réciproque, mais une sexualité qui n'a foutrement rien à voir avec l'acte sexuel dans la majorité des cas. Il n'interdit pas l'acte sexuel, mais il y a une sexualité nouvelle qui tend de plus en plus à se définir. C'est commençant. Souvent, l'individu transitif mélange les deux, mais de plus en plus, il y a des mâles qui auront besoin de préparer la relation sexuelle. Pas pour faire plaisir à la femme, parce qu'ils en ont besoin. De plus en plus, il y a des hommes, des mâles, qui vont être capables de trouver beau un enfant nouveau-né. De plus en plus, il y a des mâles qui vont être capables d'embrasser, de pleurer, de donner de l'affection tout en restant biologiquement sexuel. Donc, il y a de plus en plus une sexualité nouvelle qui tend à apparaître chez l'homme. Une sexualité, on pourrait l'appeler androgyne, c'est-à-dire l'homme est capable d'être comme la femme et la femme, lentement, va devenir capable d'être comme l'homme. Les femmes, déjà, qui sont sexuelles, très rares, la majorité se le croit. La femme sexuelle, c'est pas celle qui sort sa langue, c'est toi au quatre tours quand elle regarde les gars, pas sexuelle, elle. Elle a joué un jeu éducatif, pas ça une femme sexuelle. Bon, c'est pas celle qui se couche dans les lits qui t'attend, pas ça non plus. Parce que l'homme fait rarement ça non aussi. Bon. Alors, faut s'entendre. Il y a la femme programmée, puis il y a la femme qui commence à l'être. Il y a l'homme aussi qui peut jouer le jeu pour faire plaisir à la femme, le jeu de l'affection, mais il y a aussi l'homme qui en a besoin. Et il aura besoin d'une affection, dans la majorité des cas, d'une affection féminine ou infantile. La femme, elle a besoin d'une affection infantile, et une femme qui a besoin d'une affection infantile, on trouve ça normal. Quand c'est un homme, on parle immédiatement de désactivement sexuel. Juste pour vous dire de quelle façon l'homme, effectivement, n'a jamais été inclus dans le phénomène affectif. Bon. Lorsqu'un homme, bon, une femme se promène sur la rue, elle voit un enfant de 4 ans qui pleure, elle va aller, elle va l'étudier, elle va le prendre, une fois qu'elle bec. Si un homme fait ça, il y a du monde qui va le juger en tabarnouche. Mais de plus en plus, ça vient. Ça engendre une souffrance majeure chez ces humains, chez ces hommes transitifs-là, parce qu'ils ne peuvent à peu près pas exprimer ce qu'ils ressentent, parce que la société les condamne au nom du fait que ceux qui, à un moment donné, ont été bien mal pris dans ce qu'ils aimaient, ont fini par s'exprimer d'une façon inécologique. Le viol, etc. Bon. Dans une relation sans sexualité, qui c'est qui est gagnant? Si c'est un homme transitif, une femme transitive ou un enfant transitif, les trois sont gagnants. Si c'est des personnes anciennes, la femme est gagnante, l'enfant peut être gagnant. Si c'est des personnes nouvelles, les trois seront gagnants. Dans une relation sexuelle sans affection, l'homme est gagnant, c'est une personne ancienne, la femme est perdante, l'enfant est perdant. Si on parle de personnes transitives, ils sont les trois perdants. Et si on parle d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles, d'enfants nouveaux, ils sont encore une fois les trois perdants. Parce que plus, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est important de le saisir, le fait d'être capable de se mettre nu devant un individu, c'est qu'on accrédite sa confiance ou qu'on se supporte soi-même, un ou l'autre. Et le fait d'avoir une relation sexuelle, c'est exactement comme si tout ce que normalement on cache à tout le monde, on le donnait à l'autre. C'est un peu un cadeau. Mais il y a un problème aussi, c'est qu'on se livre énormément. Le patron qui a une relation sexuelle avec le secrétaire ne peut plus rien demander. Il y aura toujours un problème. Alors nécessairement, attention, on en a déjà parlé un peu dans l'initiation du couple, lorsqu'on se connaît mutuellement, on risque d'avoir des problèmes parce qu'on va pouvoir, on va se peu manipuler. Tout ce qui était sorti sert contre l'autre. Dans la relation, une sexualité nouvelle, la relation biologique n'est pas primordiale. Il y a une façon d'aller chercher de l'énergie autrement que dans l'acte sexuel, à la condition qu'on arrive à faire une séparation au niveau de notre perception de ce que l'on va chercher par la relation sexuelle qui peut être recherché sans la relation sexuelle. La relation sexuelle est là un but. La procréation, la transmission génétique de ce que vous êtes légué dans un temps à venir, la préparation d'un véhicule terrestre qui pourra un jour supporter votre réincarnation ou qui peut du moins la supporter déjà de votre vivant, c'est-à-dire que ce que la mère et le père sont, ils le donnent à l'enfant, donc l'enfant en est tributaire, l'enfant en est héréditairement le successeur, et nécessairement, déjà là, les parents sont réincarnés dans l'enfant. La sexualité, elle, a comme fondement la reproduction. Le jeu hormono-psychologique sexuel à mener avec la sexualité, il était très important, il est encore très important tant que l'humain ne comprend pas le rôle de la relation sexuelle dans le but de procréer. Parce que si la relation sexuelle devient dégoûtante, on n'aura plus d'enfants. Bon. Par contre, à travers la relation sexuelle, il y a une autre mécanicité qui est communiquée. Et la majorité des humains présentement croient de comme sexe que les deux sont liés. Pas de relation sexuelle, il peut pas y avoir d'amour, il peut pas y avoir d'échange, il peut pas y avoir de ceci. À ce qu'on parle de relation. C'est mal. Bon. À ce qu'on parle de relation sexuelle et on parle d'harmonie du couple. Votre couple ne va pas, c'est peut-être parce que au niveau sexuel, ça ne va pas. Si je suis psychologue puis j'étends, j'ai des problèmes avec ton petit gars de 5 ans, c'est peut-être que les relations sexuelles sont mauvaises. C'est la même chose. Pourquoi un homme et une femme peuvent-ils ne pas être capables de s'entendre? Parce que leurs relations sexuelles ne sont pas convenables. Leurs relations orales, les relations au niveau de la répartition des tâches, oh ben ça, les relations au niveau du travail, mais non, dans les lits, relations sexuelles, ça va pas. Et on pense encore à côté de la traque, c'est qu'on veut communiquer par la relation sexuelle quelque chose que l'homme va de plus en plus communiquer sans la relation sexuelle. Et c'est ça la sexualité de l'évolution. Je pose des questions, tu as mis un paquet de papier. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vraie femme sexuelle. Vous ne l'avez pas décrit. Bon. La vraie femme sexuelle, elle n'a pas besoin de la sexualité pour vivre. Elle n'a pas besoin de la relation sexuelle pour être heureuse. Elle n'a pas besoin de la relation sexuelle pour se prouver qu'elle est une femme ou un homme. Elle n'a pas besoin de cela. Par contre, elle sera capable, dans la relation sexuelle, de communiquer, mais d'aller chercher. Alors, ça ne paraît pas. On peut pas dire, tiens, elle, c'est une femme sexuelle. Non. Quand on parle d'une femme sexuelle, on parle donc d'une femme nouvelle. Elle est émotivo-sexuelle, c'est-à-dire qu'elle est capable de rentrer un peu dans un domaine qui lui était avant plutôt fermé par sa génétique corporelle, elle sera capable d'aller chercher de l'énergie dans une relation sexuelle à l'exclusive condition que la relation sexuelle aille un fondement de base, c'est-à-dire que la femme sexuelle ne pourra pas vivre d'une sexualité sans raison, comme ça, gratuite. L'homme émotif sera aussi capable de fonctionner dans une sexualité, mais il n'aura pas besoin de comprendre la femme. Les deux deviennent de plus en plus proches d'un androgyna au niveau sexuel, un androgyna hétérosexuel, c'est-à-dire que les deux peuvent vivre les conditions émotivo-biologiques des deux sexes. Et ça, l'enfant va vivre la même chose. Et lorsque je parle d'une relation sexuelle avec l'enfant, je parle d'une relation sexuelle au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on parle encore une fois de la mécanicité d'une sexualité de l'évolution qui n'est pas liée à l'attrait corporel. C'est important. Et il y a des nuances tellement subtiles. Je vais te laisser continuer avec tes questions, de toute façon, je vais revenir. Bon, c'est très important. Une grande partie de la relation familiale va naître d'une sexualité familiale convenable. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité familiale? Je donne un petit exemple bien banal. Combien de parents prennent leur bain avec leurs enfants? C'est une sexualité énergétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la sexualité? La sexualité est un échange d'énergie vitale. C'est ça, la sexualité. Dans le sperme masculin, il y a de l'énergie vitale. Ça peut engendrer la vie. Dans le phénomène masculin, l'ovulation, ces choses-là, ça peut engendrer la vie. C'est de l'énergie vitale. Et c'est ce que l'homme recherche chez la femme. Il se nourrit. La femme va prendre de l'énergie sexuelle ou psychologique. Elle va se nourrir. Elle vient après. Parce que si l'homme accepte encore son corps, c'est que ça marche. Bon, c'est inconscient. Il y a plusieurs raisons. Mais elle se nourrit émotivement. De plus en plus, il va aussi apprendre à se nourrir sexuellement. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour la femme. Pour l'homme, de plus en plus, il va apprendre à se nourrir psychologiquement. Autrement dit, tu as une sexualité nouvelle. Bon, tu prends ton bain avec tes enfants, il y a une relation énergético-sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie vitale. Mais l'harmonie dans la famille sera d'autant plus redressée. Tu es capable d'accepter un massage, de faire un massage à un enfant, par un enfant, à une femme, par une femme, à un homme ou par un homme, et nécessairement, il y a un échange absolument extraordinaire qui se fait, sauf que présentement, le mâle a une construction hormono-biologique qui complique un peu les choses. Bon, il faut l'arracher, il faut le geler, en tout cas, dans bien des cas. Sauf que ça change, et c'est le rôle de la femme d'instruire l'homme de ce côté-là. L'homme, je pense, il a fait son rôle, il a suffisamment tout fait pour que la femme devienne sexuelle. OK? Bon. Quand t'es rendu, en tout cas, bien des affaires, on pourrait critiquer un mot du paquet d'affaires au niveau social, mais on va laisser faire pour l'instant. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité familiale? C'est d'être capable de marcher 3-4 individus main dans la main, ou simplement de marcher séparés, observer les mêmes choses. Ça peut être aussi d'être capable de partager un verre d'eau. Ça peut être de boire à la même gourde quand on va camper. Ça peut être, encore une fois, de pouvoir se baigner ensemble sans qu'il y ait de problématique au niveau de l'esthétique corporelle. Ça veut dire qu'on accepte dans notre espace vital, la sexualité de l'énergie vitale, ça veut dire qu'on accepte dans son espace vital totalement un autre humain. Et ça, la sexualité d'évolution. Quand l'homme fait une relation sexuelle de type animal avec une femme, la femme peut avoir une relation sexuelle de type femme d'affaires avec l'homme, OK, elle collecte le copain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de relation sexuelle. Il y a une relation biologique, il y a un échange de sperme d'un à l'autre, il y a un échange d'argent d'un à l'autre, c'est à peu près tout. Il y a des femmes, évidemment, qui vont être prostituées puis qui vont aider certains humains. Ça, ils apprennent à découvrir un peu l'humain, puis à un moment donné, ils prennent affection pour eux autres. Mais encore là, c'est pas sexuel dans son cas à elle. Le fait d'être capable, dans son espace vital, d'accepter quelqu'un est une relation sexuelle d'un type neuf, d'un type pur, c'est-à-dire d'un type où on n'est pas contraint à vouloir cacher un paquet de choses à partir d'une morale qui essayait de restreindre un échange problématique chez l'humain, parce que la femme perdait, l'homme gagnait et l'homme se nuisait aussi. Il y a des questions? Vas-y. OK. Faut que tu m'interromps plus souvent. Là, je m'interromps moi. C'est pour savoir le tantrisme et la chasteté. Est-ce que ce serait alors néfaste pour l'homme nouveau? Bon. Le tantrisme est une condition intéressante de l'évolution vitale. Le tantrisme, c'est la faculté que peut avoir l'humain dans un extase sexuel, de libérer une énergie vitale placée dans un centre, disons, dans un carrefour d'énergie, au fin fond du coccyx, libérer une énergie sexuelle qui porte le nom de Kundalini et faire en sorte qu'elle puisse cheminer le long de la colonne vertébrale, ouvrant d'autres carrefours d'énergie qui devraient donner la possibilité à l'humain de voir ouvrir chez lui certains points de conscience, clairaudience, clairvoyance, télépathie, contact supramental, choses-là, pendant des centres, des carrefours ouverts. Il y a eu un temps où l'énergie évolutive chez l'homme, pendant la phase évolutive des humanités, où l'évolution se faisait du bas vers le haut, de l'énergie tellurique vers la tête. Pendant cette époque, certains avatars, certains bonhommes, certains catalyseurs d'évolution ont amené sur le plan planétaire des techniques permettant à l'humain, et ça a été amené pendant la période patriarcale, ces techniques servent surtout l'homme, des techniques de manipulation de sorcellerie, de magie blanche, de manipulation de l'énergie vitale à l'intérieur du corps d'une femme, de façon que l'être humain, le mâle, puisse arriver à foncer. Alors, on a évidemment l'idée de la Vierge. Il fallait qu'il fasse ça qu'une Vierge, c'était plus grave. Les Vestales, c'était les femmes qui sexuellement se vouaient aux dieux, aux traditions ou aux prêtres. Alors, il y a tout un paquet de types de techniques basées sur le vol d'énergie dans le corps de la femme pour permettre à l'homme, le mâle, de pouvoir grimper, ouvrir son plan de conscience. Parce que la femme était toujours l'outil que l'homme se servait dans sa condition couchée en dessous de l'homme, dans sa condition de, si jamais elle décidait quand ça se faisait, oh, l'homme l'achetait de quelque chose, mais n'empêche que c'est une technique de mâle qui a fonctionné à plein, qui a eu une efficacité majeure et qui aujourd'hui est tout à fait inutilisable, à moins évidemment qu'on provienne d'une race très arriérée, est très inutilisable. Pourquoi? Parce que tout ce que cette énergie a à développer chez l'homme, elle l'a donné à l'homme, et c'est transmis génétiquement des parents aux enfants. Donc, ces techniques ancestrales, quoique bonnes dans l'Antiquité, ne servent que de passe-temps aujourd'hui, parce que ce que elles ont à t'amener, eh bien, tu l'as déjà. Tout ce qu'elles peuvent maintenant t'amener, c'est le trip. Mais ça te forme plus. En plus, ça peut lentement s'épuiser. La chasteté, c'est la conservation des énergies vitales, surtout chez l'homme. On parle évidemment de la Vierge chez la femme, mais quand on parle de chasteté, on parle encore une fois au niveau de l'évolution de l'homme. Évidemment, ceux qui sont cloîtrés, la femme a pu être amenée à la chasteté pour elle. Mais la femme n'a pas tellement besoin d'être chaste, c'est beaucoup plus que l'homme. La femme de l'énergie vitale, elle en a en masse. Tandis que l'homme, lui, il doit en rechercher. La chasteté, c'est une condition qui permet à l'être humain de conserver à l'homme ou à la femme, de conserver ses énergies sexuelles chez lui. Une chose qui doit être comprise, c'est que la femme ne peut pas être chaste comme l'homme. Frustrant, un peu. Pourquoi? Chaque fois que la femme est menstruée, elle rejette de l'énergie vitale à l'extérieur. Chaque fois que l'homme éjacule, il fait la même chose. Lorsque l'homme devient chaste, il peut conserver l'énergie chez lui. S'il n'a pas d'éjaculation, de pollution nocturne, ou ce genre de choses. Tandis que la femme, elle, presque mensuellement, elle a ses menstruations où elle perd énormément d'énergie vitale. La femme peut être plus colérique, plus influençable, plus déprimée. Elle perd du sang. Elle a s'occuper. Enfin, bref, les femmes, comme vous connaissez l'idée un peu, c'est rare, la femme qui est tonifiée, qui est pépée quand elle est menstruée. C'est assez rare. Malgré les annonces qu'on fait, là, qu'elle change de, puis ça a des minutes. Pas vrai, pas. Donc, la chasteté, la femme, elle ne peut pas être chaste. Quand on parle de chasteté, c'est de ne pas avoir de relation. Faites attention, il y a l'idée de chasteté pure. Pareil, si pure, entre vous et moi, lavez-vous, vous serez pur. Donc, c'est l'idée de la vie, bon, franchement. Pointez, multipliez-vous, restez pur. Il faut chercher. Bon. Lorsque la femme a ses menstruations, la femme a un potentiel d'énergie vitale tellement supérieur à celui de l'homme que finalement, ses menstruations, à part créer des perturbations mensuelles au niveau vital, au niveau de l'énergie, ne perturbent pas son évolution. Tandis que pour l'homme, par contre, si l'homme, lui, a des relations sexuelles trop fréquentes, veut pas, cela lentement va le perturber. Ça va faire quoi? C'est bien original, mais ça va empêcher l'homme de développer une parole juste, de raffiner son centre laryngé et de développer sa faculté neuronique de recevoir un savoir instantané. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, il va rester plus ou moins heureux, il va avoir pas besoin des femmes, il va pas trop, il va s'amuser. Sauf que, Lorsqu'une personne commence à parler, est le moins de relations sexuelles. Lorsqu'une personne commence à vivre une mutation, elle perd cette affinité à avoir des relations sexuelles. Autrement dit, lorsqu'une personne commence à vivre une mutation, la mutation va se cellulariser chez elle, c'est-à-dire que son code génétique va changer. Donc, elle va finir par avoir à jamais son changement. Elle n'aura pas besoin de continuer à y penser. Elle l'accepte, elle l'autorise. Ça s'en vient cellulaire, c'est cellularisé. Donc, elle se met au monde elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus, après sa mutation, de correspondance génétique avec ses parents. Et pour cela, elle doit redevenir un enfant, c'est-à-dire qu'elle doit redevenir asexuée, en ce sens que l'enfant, lui, qui a besoin d'énergie vitale pour pouvoir finaliser sa programmation neuronique après la naissance, ça prendrait tellement de temps qu'il faudrait que le matériel biologique ou organique est beaucoup plus simple. Ça demande presque pas d'énergie vitale pour cicatriser. Le neurone n'a pas le temps de s'en faire, que le tissu cicatriciel prend la place. Ça peut créer de l'épilepsie post-traumatique, ça peut faire différentes choses. L'enfant, donc, de sa naissance à la puberté, vit l'apprentissage du langage, l'apprentissage du conscience neuronique, et il n'est pas sexué. Lorsque cela est fait, eh bien maintenant, son rôle de procréateur apparaît. Mais il restera à l'enfant, dans son évolution d'adulte, à juger si effectivement il procrée ou si il tout ce qu'il a génétiquement, s'il le dilapide continuellement, ou bien s'il s'arrange pour le conserver. La chasteté, c'est l'antipode de la décadence, de la débandade, de la bandade plutôt. Bon, débandade, c'est bandade. Bon. Alors, la bandade, c'est une problématique, puis la chasteté, c'est une problématique. Pourquoi? Le cerveau de la femme ramasse, stocke des hormones. À chaque menstruation, certains phénomènes hormonaux se mettent en marche, la femme a une ovulation, et il y a un retour hormonal qui est enregistré par le cerveau et stocké. Quand cela est fait, le cerveau sait que l'ovule a été éjecté, on bloque le processus, la femme peut être enceinte, sauf qu'elle n'aura pas d'hyperovulation. La femme, c'est bloqué, c'est inconscient. Problème chez la femme, c'est que lorsqu'elle arrive à la ménopause, elle a encore immensément d'ovules qu'elle peut transmettre. Mais lorsque le cerveau a accumulé une dose limitée de ce système hormonal, de ses hormones, la femme, le cerveau, qui maintenant ne peut plus recevoir d'autres choses, il est plein, eh bien, il décide que la femme peut maintenant être radiée de la surface de la planète. Ça, c'est organique, biologique, premier rôle de l'animal, donc du corps physique, la reproduction. S'il n'est pas reproducteur, il peut être éliminé. C'est un problème. À la ménopause, la femme change complètement parce que l'expression hormonale dans son corps change et la psychologie ne peut pas s'exprimer de la même façon. Il y a la ménopause, il y a moyen de contrer ce processus par une sexualité nouvelle, une sexualité qui n'est pas d'ordre relationnel au niveau physique. L'homme qui échappe, lui, c'est la même chose. Chaque fois que l'homme, de temps en temps, l'homme a une relation sexuelle, il a une éjaculation, cela donne au cerveau l'ordre de recréer des spermatozoïdes, de recréer ce phénomène au complet pour être prêt. Si l'être humain, l'homme a une chasteté continuelle, lentement, le cerveau finit par détecter qu'on n'en crée plus. C'est-à-dire qu'il lui manque, il est assoiffé d'un stimuli hormonal et il ne l'a plus. Lentement, le cerveau peut aussi décider, c'est de l'instinct, que ce mâle, maintenant, peut être éliminé. Il y a donc des personnes âgées qui ont des relations sexuelles plus fréquentes et rajeunissent un peu. Et il y a des jeunes qui ont des relations sexuelles fréquentes et vieillissent plus vite. La chasteté, il faut faire attention, et le phénomène d'andropause ou ménopause, l'andropause, c'est lorsque le cerveau est tellement habitué qu'à un moment donné, là, il n'y a plus rien à faire, on contracte. La ménopause, la femme peut la contrer. Pourquoi? Parce que la femme, elle a suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir continuer sans ovulation, elle peut recommencer de menstruer. Mais la majorité des femmes qui sont ménopausées vont me dire, ben, tabarnouche, je n'ai pas besoin de recommencer. Bon. Par contre, elles peuvent recommencer si elles ne peuvent plus procréer, à vivre une sexualité nouvelle qui va obliger, qui va tromper l'instinct. Parce que si, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Si vous n'êtes pas reproducteur, biologiquement, Darwin serait d'accord avec moi, vous êtes inutile sur la planète planétaire. Mais ça, c'est le rôle du corps de l'homme. Mais dans le corps de l'homme, il y a l'homme. Et si cet homme a une raison d'être dans un corps, même si le corps n'a plus de raison mécanique ou biologique, il va rester, sans vieillir, ou en relâchant, ou même en rajeunissant. Pour cela, il faut évidemment tromper l'instinct. Aller chercher de l'énergie vitale qui en transmet. On parle encore une fois de la sexualité, de l'évolution, une sexualité de l'homme, personne transitive ou nouvelle, de applicable par tout le monde. L'enfant peut être baigné là-dedans et ça va juste accélérer son processus d'identification. Chasteté, c'est intéressant, mais biologiquement, ça peut être problématique. Et la bandade, c'est intéressant, mais ça peut aussi être biologiquement problématique. Voyons ceci. Est-ce que c'est vrai que la masturbation rend fou? Bon. On a souvent entendu parler, et puis on ne sait pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, cette chose-là. Bon. Dans les mythes et dans ces choses-là, on peut dire évidemment qu'un jour on a dit ça pour interdire les jeunes de se masturber, ça rend fou. Ou peut-être qu'à force de taper dedans, quand ils se faisaient, ils rendent fou. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que là, 1200 ans à peu près, ou même aller jusqu'à 800 ans, la masturbation de l'enfant le rendait effectivement débile. Donc, cette chose parle de quelque chose de vrai, qui n'est plus vrai depuis longtemps. Pourquoi cela a été vrai? L'énergie vitale chez l'humain est de plus en plus concentrée chez lui. L'homme a de plus en plus de facultés neuroniques, ce qui lui permet d'avoir une psychologie, de plus en plus adaptée, évidemment il va souffrir un peu plus, d'avoir un intellect qui va essayer de légiférer ses souffrances ou ses désillusions ou ses désirs, d'avoir un plan mental qui va arriver à ne plus faire de compromis entre ce qui est et ce qui n'est pas, et finalement d'avoir un contact avec un ajusteur de pensée qui va venir ajuster ce qui manipule l'humain, pour finalement avoir un contact avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire l'esprit individuel de l'homme, c'est-à-dire l'homme, avoir un contact avec lui, se centrer dans son intelligence. Mais il y a de cela plusieurs centaines d'années, le corps physique de l'homme avait une génétique faible. Et si on demandait à une génétique faible biologique de comprendre la mécanicité politique de l'époque, de comprendre les théologies et les religions, de comprendre la loi, de comprendre ce qu'on avait là 800 ans à l'ère descendant, eh bien on demandait un travail énorme du cerveau. Surtout qu'on était à l'époque où la science, c'est-à-dire que Platon, où on avait plusieurs personnages, Aristote, Archimède, etc., qui amenaient des choses neuves, qui demandaient énormément de cervelle. L'enfant génétique devait construire son cerveau avec peu d'énergie vitale pour arriver à supporter la société de l'époque. S'il se masturbait avant terme, ou encore, c'est-à-dire que si l'enfant apprenait à se masturber, il pouvait déclencher, ce qui se fait encore aujourd'hui, une puberté précoce, qui l'amenait à dilapider l'énergie vitale avant que le cerveau soit finalisé, ce qui créait un adulte avec un potentiel de 8 ans, de 6 ans, de 5 ans, avec un potentiel d'enfant. On appelle cela aliéné. Et effectivement, si à l'époque, lorsque l'individu massacrait son énergie vitale comme cela, il risquait fortement de bloquer l'évolution programmative génétique de son cerveau, ce qui le mettait en inharmonie avec la société actuelle, qu'il continuait à percevoir elle est un enfant, même adulte. Mais aujourd'hui, ça peut nuire, mais tellement pas, qu'on ne peut pas dire que ça fait cela. Ça peut fatiguer, ça peut salir, ça peut intéresser, mais ça ne rend plus fou. Peut-être fou du sexe. L'homme nouveau, donc, n'aura pas la même sexualité. Oui? OK. Alors, l'homme nouveau, est-ce qu'il va vivre sa sexualité comme l'homme ancien ou totalement différent? Bon. La dernière fois qu'on m'a posé la question, c'est un homme qui m'a interviewé, puis après ça, il a dit, quand j'ai fini de répondre, il a dit, j'espère, c'est pas pour demain. Bon. Peut-être que toi, tu vas être content de se marier, je ne sais pas trop. L'homme nouveau ne peut pas vivre sa sexualité comme l'homme ancien pour la simple raison que l'homme ancien la vit d'une façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il est convaincu d'un besoin sexuel, il est convaincu qu'il n'aura pas d'harmonie dans sa psychologie s'il n'a pas l'acte sexuel, il est convaincu d'un paquet de choses qui fait qu'étant convaincu tellement et tellement bien qu'effectivement ça arrive. L'homme nouveau, lui, sait que premièrement la relation sexuelle sert à engendrer, donc nécessairement il ne jouera pas avec. J'ai déjà fait une conférence sur la conception de l'enfant, de quelle façon on doit se préparer sexuellement, vitalement, etc. pour le faire. L'homme nouveau, la femme nouvelle sauront que la relation sexuelle a pour but fondamental d'engendrer un enfant. Donc, nécessairement, ils purifieront leur génétique avant, de façon à donner au maximum la possibilité à l'enfant de supporter les caractères ascensionnels ou évolutifs des deux parents, ce qui est rarement le cas. L'homme nouveau va vivre une relation, une sexualité beaucoup plus nouvelle, c'est-à-dire une sexualité beaucoup plus énergétique. Il y a énormément d'hommes qui vont trouver plate le fait que l'homme nouveau ne va concevoir ou s'abstenir. Il y a même des femmes qui vont trouver ça plate, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit faire la scission entre ce que la relation sexuelle nous permet et ce qu'elle nous apporte. La relation sexuelle de l'homme nouveau lui apporte quelque chose et lui sert de base pour exprimer le reste. Et c'est le reste l'important. Sauf que l'homme nouveau, lui, faisant la nuance entre les deux, va vivre quotidiennement de ce reste et il ne se servira de l'autre que pour faire un film, donner un cours ou avoir des enfants. L'homme nouveau ne peut pas vivre une sexualité comme l'homme ancien. L'homme ancien qui trouve une femme belle est mal pris. La femme qui trouve un homme beau va vouloir avoir sa compagnie, elle va se sentir sécure avec, il y a toute une panoplie de choses qui peuvent se passer. Évidemment, il y a des femmes qui sont en transition suffisamment avancée pour ne pas vivre cette mécanicité. Il y a des hommes qui sont en transition suffisamment avancée pour ne plus vivre cette mécanicité d'homme ancien. C'est encore essentiel, vous savez, qu'il y a des hommes sexuels au bout, qu'il y a des femmes émotivo-psychologiques, affectuées, affectives au bout, pour la simple raison que ceux qui vivent ces conditions ne sont pas encore capables de supporter leur état d'être humain. Ils supportent encore leur état d'homme-femme, c'est-à-dire de mâle-femelle. Phénomène de l'animal. De l'animal qu'on a socialisé un peu, à qui on a mis un cadre critique. On est rendu qu'on fait des livres, ça va comment? Bon, franchement, on doit même donner un cours maintenant de sexualité aux enfants, ce qui devient une farce monumentale, parce que l'enfant a toujours communiqué sexuellement d'une façon énergétique, et maintenant l'enfant veut évidemment copier l'adulte. L'adulte se libérant dans la relation matérielle, biologique, l'enfant veut copier, puis là on doit donner des cours de relation sexuelle, dire aux enfants quand faut commencer, quand faut pas commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On est rendu qu'après les avoir programmés pour leur montrer comment aimer, hein, apprécier les belles choses de la vie, c'est-à-dire ce que j'aime moi-même, après leur avoir montré à être poli, c'est-à-dire leur avoir donné la faculté de devenir des menteurs quand ça paraît, après leur avoir montré un paquet de choses, on est rendu qu'on veut diriger leur évolution sexuelle. C'est évident que l'enfant en aura besoin présentement, parce qu'il est dans une société où ça devient, bon, évident. Ça fait partie de la vie. Tiens, si c'était pas une relation sexuelle avec une fille ou avec un gars avant l'âge de 50 ans, chose qui va pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui va pas? Bien. L'homme nouveau, la femme nouvelle, et quand je parle d'homme nouveau, je parle de femme nouvelle, je parle évidemment de quelqu'un qui accepte des choses neuves et quelqu'un qui est en mutation, c'est-à-dire quelqu'un qui préfère être naturel plutôt que d'être normal. C'est quelqu'un qui préfère être lui, même si tout le monde est contre. Ça, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. Moi, je suis moi. Oui, mais tu tiendrais les cheveux, là. Tu passerais mieux dans la société. C'est franchement, risquer le cancer de peau, commencer à aller acheter des bebelles, passer du temps à m'éteindre dans le lavabo, à m'éteindre après, à m'éteindre par nous. Tout ça parce que, apparemment, mesdames et messieurs à l'extérieur, nous préférerais ça. Qui s'achètent toutes des lunettes teintées, mon réglé. L'homme nouveau préfère être naturel plutôt qu'être normal. Donc, il sera capable de supporter une sexualité, mais elle sera problématique dans le début, parce qu'évidemment, l'entourage a de la difficulté à l'accepter. Un homme, bon, j'ai déjà vu, moi, des femmes jouer avec le zizi d'un bébé. C'est comme ça. Si vous voyez un homme faire ça, on va chercher en maudit quel problème sexuel qu'il a. Et ça, c'est la souffrance majeure de la personne transitive. Parce que demander à un enfant de 3 ans la différence entre un pénis et un doigt, ou entre son nez et ses fesses, ben, c'est sûr que s'il dit que c'est caca et cochon, c'est parce que ses parents l'ont très simplement éduqué, là. Sa tante ou son oncle, sa grand-mère, ou voisin, là. Si le voisin a un problème, il ne voit pas. Mais il n'y a pas grande différence. C'est la même maudite affaire. Il y a une peuplade, à un moment donné, en Amazonie, Il y a deux Blancs qui sont arrivés là, tourner un fil. Et puis les indigènes sont habillés d'une ceinture autour de la taille, un petit peu à un pouce en bas du nombril. Une plus corde. Le reste, il n'y a rien. Alors les Blancs arrivent là, un petit peu gênés, puis ça filme, ça petite ça, puis maintenant ils veulent se baigner. Tout le monde se lave dans l'eau, dans la rivière. Alors ils essaient de bomber, merde, on était bien, à l'époque, on allait se baigner là, on était bien. Alors, ils déshabillent, puis là, tout le village, là, waouh, ça criait, ça s'en allait, ça se cachait, ça se tournait tout. Là, ils ont vu qu'il était venu. Eux autres. Là, ils ont cherché, puis là, il y a un vieux sorcier, là, un vieux sage qui s'est approché sans regarder, leur expliquer qu'il était tout nu. Alors, les deux Blancs ont dit, oui, mais vous autres avez? Il dit, jamais! Quand on ôte notre corps, on est assez poli pour pas se regarder. Et ça, c'est un fait vécu. La corde était importante, c'était symbole de l'espace vital de l'individu, et il y avait un pacte là, pénétrez pas, bon, ça c'est à moi. Quand je l'ôte, je suis seul, je suis chez moi, puis on me respecte. Bon, mais les Blancs, ils ont cherché en tabarouette avant de comprendre. Ils sont mis une corde habillée. Et ça, c'est vécu. Bon. L'homme nouveau ne peut pas vivre des contraintes ancestrales qui ont été données à l'homme ancien parce que celui-ci, ne comprenant pas l'intelligence de la restriction ou de l'acte, il y allait selon le feeling. Et on sait, pardon très bien, que bien souvent le feeling est une manipulation qui empêche l'homme d'évoluer ou qui empêche l'homme d'avancer convenablement. Il amène à souffrir. L'homme nouveau vit une sexualité où il peut laisser plus qu'un individu pénétrer son espace vital dans une relation d'honnêteté totale. Porte de la sexualité nouvelle. C'est plate, hein, il n'y a pas de zigonnage. Le zigonnage n'est pas interdit. Par contre, il y a toujours une écologie. Ça ne sert à rien de zigonner en public. Pas pour la moralité. Par contre, c'est bien évident qu'un homme, une femme, sur une plage déserte, veulent faire l'amour, puis il y a un gars qui part, bah, le gars, il n'y a rien qu'à pas être là. On parle d'un homme nouveau, une femme nouvelle. On parle de personnes anciennes, ils s'en vont dans la forêt, ils se mettent nus, puis tout le temps qu'il y a un oiseau qui bouge, il y a un oiseau qui tombe. Bon. Pourquoi? Parce que la sexualité chez l'homme ancien est quelque chose de malhonnête. Enfin, faut le croire. Allez voir agir. Si je serais un extraterrestre qui observerait cela, j'aurais de gros problèmes à comprendre. D'énormes problèmes à comprendre, l'homme. Il y a l'humain qui peut faire une relation sexuelle avec un autre, mais ne peut pas se promener nu dans la maison après. Il y a celui qui, après la relation sexuelle, se sent tellement bien qu'ils peuvent prendre leur douche ensemble difficilement avant, ou ils peuvent se promener dans la maison, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que justement, ils sont devenus plus honnêtes par la relation sexuelle. Sauf que ce n'est pas l'acte sexuel qui rend cela. C'est parce qu'on accepte une chose. Tu sais, faire une relation sexuelle en pleine noirceur tout le temps, c'est malhonnête. En ce sens qu'on veut aller chercher quelque chose chez quelqu'un, mais on ne tient absolument pas à ce que lui pénètre dans notre espace vital. La sexualité nouvelle, elle libère. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui te sent bien? Mais quand je dis bien, bien, il n'a rien à cacher à ceux qui sont capables de ne pas tout lui remonter sur le visage après. Tu sais, quand tu parles, tout est remis contre toi, là, à un moment donné, tu même plus parler à ta femme ou à ton mari, parce que la chicane d'après, ce que tu dis, ça revient contre toi. Il y a plusieurs choses comme ça. Chose certaine, c'est que l'honnêteté dans un espace vital entre une relation d'individus est une sexualité nouvelle. Et je parle d'une sexualité, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la jouissance physique. En même temps que la jouissance physique, il y a la jouissance psychologique. Et en même temps, chez l'homme nouveau, il y aura la jouissance mentale en même temps que la jouissance psychologique, vitale et physique. Sauf que de fait, ça reste sexuel. Il y a une jouissance, une harmonisation tellement parfaite que pendant un millième de seconde, ou un petit peu plus pour les expérimenter, le corps de l'homme disparaît, le corps de la femme disparaît, il n'y a pas d'observateur ou de choses observées, il n'y a pas de souffrance, aucun problème, il ne fait ni chaud ni froid, il n'y a pas d'odeur, pas de transpiration, il n'y a rien, il y a l'état d'être. Et souvent, le tantrice a voulu aller rechercher cela. Mais il y a un autre moyen d'arriver à un extase. La mère qui regarde, ou la femme qui souvent qui regarde un enfant jeune ou un enfant, à un moment donné, vous pouvez observer qu'elle est en train de jouir. Ce n'est pas hormonal, c'est une jouissance sexuelle énergétique. Elle est honnête, la jouissance, elle est essentielle pour la femme et pour l'enfant. Lorsque l'homme vit cela, c'est la même chose. On a le gars qui soit dans un parc pour regarder des enfants. Et on a la femme qui est dans un parc pour la même chose. Le problème social présentement, c'est que la majorité des personnes transitives ne sont pas capables encore de faire la nuance entre la jouissance psycho-mentale de l'ordre physique. L'homme, il s'assoit, il regarde les enfants, puis il trouve ça extraordinaire, il trouve ça beau. Il regarde les ronds de forme, leur esthétique, il les regarde aller, il les regarde sauter, il les regarde rire, et il s'en abreuve. C'est une sexualité honnête. Le problème présentement dans une ère de transition, c'est que la programmation psychobiologique, le gars s'en abreuve, puis lentement, il y aura des problèmes physiques. Et s'il n'est pas suffisamment capable d'être honnête, de se lever, de parler aux enfants, de toucher, d'être grand frère, d'aller voir ses neveux ou d'avoir lui-même des enfants, s'il n'est pas suffisamment solide, il risque à un moment donné, par amour pour les enfants, sans jamais faire mal, de faire des choses que la loi condamne. Et les enfants qui ont passé par cela disent toujours que la personne était correcte. Hein? Un méchant bandit. La femme va faire la même chose, sauf que la femme n'a pas la même programmation biologico-sexuelle. Donc, elle peut s'abreuver sans avoir le problème. Elle aura le goût d'avoir un enfant, le goût de toucher un enfant, le goût de garder un enfant, mais elle ne violera pas un enfant. Le mâle, lui, est bâti légèrement différemment, ce qui lui crée un problème. S'abreuver énergétiquement, sexuellement, c'est convenable. C'est essentiel, c'est énergétiquement développant, c'est énergétiquement stabilisant, c'est énergétiquement évolutif. Mais faire la nuance et arriver à se programmer pour être capable de regarder un bel esthétique qui, au niveau de l'onde de forme, nous nourrit, sans laisser la programmation archétypale, la vieille programmation, toujours nous obliger à finir dans le lit. L'homme regarde une émission de télévision ou un film où il y a des femmes ou des hommes ou des choses comme ça. Bon, il y a un documentaire sur un camp naturiste. Le gars va avoir des problèmes après. Voilà, la femme peut dire, on devrait y aller. Tu es fou? Si je bandais la journée longue? Le gars a des problèmes. Parce que ce n'est pas honnête. C'est en érection en journée longue. C'est en érection en journée longue. On s'en servira comme corps d'appel. J'en fais plus. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il y a des pilules qui vendent pour ça. Bon. Parce qu'il y a des problèmes psychologiques. S'abreuver à un nombre de formes, s'abreuver au contact, s'abreuver au toucher. C'est correct. Il y a le masseur que ça paraît pas, puis il y a celui qui y va. T'as l'impression que c'est un homo. Ou que c'est une chose. Mais ça veut dire, c'est correct. Puis toi, relâche donc et abreuve-toi donc ce que tu ressens. C'est correct. C'est honnête. Mais ça, il y a une nuance majeure. L'homme et la femme font une relation sexuelle. Habituellement, je les habille. Bon. Faut dire des familles, je peux vous garantir, mais habituellement. Certains éteignent la lumière avant, d'autres éteignent pendant, d'autres éteignent après, puis bon. Qu'est-ce qui est bon de la relation sexuelle? L'extase hormonale, à la fin, qui dure à peine une seconde. Et toute la relation, si on arrive à centrer son énergie ou son attention sur ce que, énergétiquement, le corps ressent au complet, quand deux corps se touchent. Pas besoin d'avoir de relations sexuelles, c'est de la sexualité, mais évolutive. Quand deux corps se touchent, quand deux corps se massent, quand deux corps font juste se coucher l'un à côté de l'autre, puis dorment, parlent, quand deux corps marchent côte à côte, acceptent de vivre une vie honnête. Certains mâles, certaines femelles auront encore leur maudite programmation archétypale qui les oblige à l'instant où ils se sentent bien corporellement, psychologiquement en harmonie, en extase à être programmé à devoir passer par la biologie. C'est un problème. Faut pas se culpabiliser, faut l'observer. Présentement, ceux qui sont bâtis comme ça, ça se change génétiquement, c'est-à-dire qu'à la longue, ça s'en va. La personne, l'homme, par exemple, c'est plus frappant chez l'homme, la femme, elle aura le même problème, ça paraît moins. L'homme qui est en érection, le moins normal qu'un coup de vent, ça paraît plus que la femme. La femme aussi, elle a des stimulations biologiques, ça paraît moins. À un moment donné, il y a beau vanter, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que génétiquement et psychologiquement, au niveau de la programmation, il y a des choses qui se changent. Ça ne changera pas dedans les culottes. Ça change dehors. La longue. C'est la même chose de la sexualité de l'homme nouveau. Ce n'est pas une sexualité sale, je pourrais même dire que la sexualité de l'homme ancien, si on veut péjorativer les choses, elle est plutôt sale. Pourquoi? C'est comme de dire, Dieu créa l'homme à son image. On a tellement honte de Dieu qu'on se cache. Bon. La sexualité, ben c'est pas si mauvais que ça, hein? Tout le monde en fait. Mais tout le monde le cache. Pendant longtemps, c'était tabou d'en parler. Puis quelques années, on en parle. On en parle, savez-vous comment? On en parle en se défoulant. Pas plus équilibré. Une femme cochonne, sexuelle, t'as pas besoin d'être drôle. Dis-moi qu'il y a trois ou quatre cochons sexuels là-dedans. C'est drôle. On rit. C'est tout. Il y avait un frère à poil qui fouillait dans un jardin. Il y a une sœur qui cueillait des champignons. Et voilà. C'est drôle. Oui? Honnête, énergétique, accepté. Entrer et pénétrer et accepter l'autre dans son énergie vitale. Ça veut dire quoi son énergie vitale? Accepter d'avoir une union, temporaire ou non, avec un individu ou plusieurs individus, donc j'inclus peut-être des enfants, dans une relation honnête d'harmonie. Je prends ma douche, faut que je sorte, je cherche la serviette, ma femme ou ma fille ou mon gars sont dans la maison. À un moment donné, ça devient... On est pressé, les quatre à prendre la douche, c'est un vrai l'autre. La douche est petite, parfait. Je parlais à un moment donné d'une relation. Savez-vous qu'est-ce qui peut empêcher les chicanes d'une famille? Demandez-le aux enfants d'aller voir, pas sûr de 14-15 ans, j'ai oublié, au tard, moi deux. Si on aurait un grand bain familial, où tout le monde peut rentrer, vous verrez comment qu'il y aura des sourires vont paraître sur le visage de certains enfants. Puis les adultes qui n'ont pas compris vont dire, ah ouais, c'est parce qu'ils veulent nous voir. La première fois, moi, que j'ai vu un chien quand j'étais jeune, j'ai découvert qu'il était pas habillé. Mais savez-vous que les chiens, à force d'en voir, on me promène dans l'est en ville, ça n'a pas l'air traumatisé personne, là. J'ai remarqué une autre chose à un moment donné aussi, c'est qu'en campagne, les relations sexuelles entre les animaux, c'est plutôt fréquent devant tout le monde. C'est bien dur d'aller dire où elle est à l'onde, de ne pas sauter chargement, puis de dire, c'est bon, rien que les poules, c'est fort. Et puis, j'ai découvert aussi que mes cousins, cousines, il y avait des choses qui avaient moins un problème. Il y avait le tabou parce que c'était plus religieux. C'était original de voir ça. T'amènes un citadin, là, puis là, il voit un bœuf grimper une vache. Puis là, il est tout. Puis l'autre, il est bien, bien religieux à l'époque. Puis tu fais ça. Ah oui, mais vous devriez cacher vos animaux. Et... Ben quoi? J'ai quand même tué les animaux. Ben religieux, ben ceci, ben cela. C'est quoi? C'est même, tu connais des veaux, on fait élevage. C'est ça. Ça parle des simulations officielles, ça parle, on connaît tout ça au complet. Quand il s'agit de l'homme, honnête. Continue la dédication originale, je suis. Bon. Dans notre évolution, on dirait, d'après ce que j'ai entendu, on dirait que pour l'homme nouveau, la relation sexuelle va être uniquement pour la procréation. La relation organique sera pour la programmation ou bien pour communiquer quelque chose qui ne peut se faire que par là. Le reste de la relation sexuelle chez l'homme nouveau sera énergétique. Donc, ils n'auront pas besoin de passer par l'acte complet sexuel. Et ça, ce ne sera pas souffrant, il n'en aura pas besoin. La sexualité, elle permet l'évolution pour ceci. L'homme a un condensateur. Un condensateur au niveau de l'électronique, c'est un petit réservoir qui fait que lorsque l'électricité passe dedans, elle le remplit. Lorsqu'il est plein, il n'en prend plus. À un moment donné, l'électricité va ailleurs, et lorsqu'il manque de courant, un tout petit peu, le condensateur se vide pour conserver une harmonie. Les testicules chez l'homme servent à ça. Quand le condensateur est toujours vidé, l'homme a de la misère à se brancher quelque part. La femme vit aussi le même genre de phénomène lorsqu'elle a des relations continuelles avec l'homme. Elle se fait drainer en énergie. Ce qui fait qu'elle a de la difficulté à suivre une évolution harmonieusement stable. Lorsque l'homme nouveau, lorsque la femme nouvelle, les personnes transitives, arrivent à vivre quelque chose dans le genre, ils vont se rendre compte qu'ils ont une stabilité psychologique à la condition qu'ils puissent continuer la sexualité énergétique. T'as pas de relation, ayez des contacts, promenez-vous, il y a des choses à faire. Pour ne pas avoir besoin de l'acte sexuel, il faut continuer la sexualité énergétique parce qu'elle compense au niveau harmonique énormément de choses qui sont normalement recherchées dans l'acte sexuel parce qu'elles accompagnent l'acte sexuel. Il faut comprendre qu'on peut vivre ça à part l'acte sexuel. Et l'acte sexuel va donc, si on en a moins fréquemment, ça va aider énormément à vivre mieux l'autre chose et à permettre d'avoir suffisamment d'énergie vitale pour continuer la programmation neuronique ou continuer ou commencer la mutation génétique, ce qui va le rendre l'homme libre des manipulations par plus présentes. Le gars est toujours pogné, la